Fadjet. Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. 18h, il est temps pour vous de retrouver toute l'équipe de Destination Série. Précédemment, dans Destination Série. Alors, comme chaque semaine, ouais, je vais vous donner le casting et vous allez devoir me trouver, eh bien, remettre les protagonistes dans l'ordre. Oui, puisqu'on avait dit qu'on abandonnait peut-être pour gagner du temps, mais non, tu préfères rester. Alors, ça sera la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais là, encore cette semaine, d'accord, on peut empiéter sur l'émission qui suit, on s'en fout. Donc, voici. Le respect. Voici le casting de cette semaine. Ça marche. Alors, il restait quoi ? Tracker, Montmartre. Tracker. Et à un moment donné, quand vous avez des punaises qui, à longueur de temps, vous disent « Oh, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est le faux mur des hits, il manque des briques, il y a trop de cases et compagnie », vous vous remettez en question et vous décidez de lancer une nouvelle formule. Alors, moi, attention. On est comme ça, hein, puisque. Alors, attention. Je ne dis plus rien, on vient de me traiter de punaise. Donc là, je ne dis plus rien. Pourquoi j'ai choisi la version longue ? C'était pour reparler de ces maxis qu'on avait dans les années 80. Exactement. Qui n'existent plus. Oui. Maintenant, ça vient de la production en chaîne. Oui. Et avant, on avait le plaisir, si on aimait une chanson, d'avoir sa version maxi. Et celui-ci, ça reste mémorable. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas toute la chanson, parce non, que cette minute, mais voilà. Ça permet aussi de présenter les doigts de. Voilà. On va faire une rappeler les règles du mur des hits aussi. On va faire une petite recherche. Qu'est devenu Al Corley ? On va regarder, puis on vous dit ça après la voilà, chanson. Voilà. Et surtout, à un moment donné, vous allez vous demander qu'est devenu Sylvain ? Parce que il commence à me gratter et il risque de prendre la porte. Pourquoi ? Exploit d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. J'ai été surpris de savoir comment avait été composée cette musique. Ça a été composé à partir d'une musique classique qui s'appelle Marche et cortège de Bacchus et une autre musique d'un oublié des années 70, Harry Tuman, qui est avec le titre Andromeda. Et quand on écoute les deux, on a les deux thèmes et ils ont mixé les deux à l'époque pour faire le générique qu'on connaît. Laura a marqué son premier point la semaine dernière. Est-ce qu'on peut applaudir ça ? Bravo, Laurent ! Ouais. Donc ça sera le seul point de la saison. Mais non, mais splendide. Faut que je trouve un autre truc. Faut que je trouve un autre truc, une chanson. Faut qu'elle trouve un autre truc. Oui, pour Sylvain, il faut trouver un autre truc. Le problème, c'est qu'à la radio, c'est un peu chiant. Ouais. Enfin, bref, voilà. Vaut mieux dire, c'est embêtant. Oui, pardon. Voilà, hein, parce que, excusez-moi. Voilà, nous rentrons dans l'heure de ton. Excusez-moi, il est 19h. Hein. Ouais, il est 19h, donc c'est l'heure mes de. Les derniers voilà. 30 minutes voilà, de l'année, voilà. Je vous rappelle. Oui, je vous souhaite une bonne année. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série. Et comme chaque vendredi à mes côtés, j'ai bien sûr Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Et bien sûr, j'ai à mes côtés un autre qui va devenir un sociétaire définitif, puisque au début, il était hésitant, et maintenant, vu qu'il additionne les émissions, il sera certainement là jusqu'à la fin de la saison. Normalement, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonsoir Laurent et bonsoir Benoît. Donc c'est bien, j'ai progressé de stagiaire à sociétaire. C'est ça. C'est pas mal. Et là, j'ai été perturbé pour l'ouverture de ce numéro. Je suis déjà à la saison 3, Benoît, de 24 heures chrono, et je ne me souvenais plus de cette saison. Alors, il y en a eu tellement, hein, on en a eu 9. Mm-hmm. Et alors, je me souvenais de la première qui est marquante avec la fin de son épouse. Je me souvenais de la deuxième avec l'explosion de la bombe nucléaire en plein désert, avec le responsable de la CAD qui se sacrifie pour éviter des millions de morts à Los Angeles. Mais la saison 3 avec les corps contaminés, la drogue contaminée. Ah oui. C'était l'épidémie, la saison 3. L'épidémie, je ne m'en souvenais plus. Et là, voilà, j'ai cette petite pensée pour faire un clin d'œil à 24 heures chrono. On avait mis en avant la série de nouveau à l'ouverture de la saison. Pour le moment, toujours pas d'infos, toujours pas de retour sur une suite potentielle. Et puis, tu as dû revoir cette saison 3 avec un autre regard, puisque à l'époque, on la regardait, on ne parlait pas d'épidémie, il n'y avait pas de Covid et tout. Donc, c'est vrai, quand on regarde, c'est vrai, on regarde à nouveau cette saison 3 et qu'on fait le parallèle avec ce qu'on a vécu et l'épidémie qu'on a vécu avec le Covid-19, ça doit être effectivement différent de revoir cette saison. Oh, bah, c'est un peu plus intense. Exact. Et j'arrête pas de penser au fait qu'on était dans un appart, il y avait un bébé qui dormait, c'est vrai, et on regardait en VO. Alors que là, je regarde en VF, et à l'époque, c'était un peu compliqué, parce qu'on regardait le sous-titré, bien sûr, enfin surtout moi, c'était un peu compliqué pour ma pomme de voir en version originale. Donc voilà, plein de souvenirs en ce moment avec cette relecture de 24 heures chrono. Dans ce nouvel épisode de Destination Série, le 5e épisode de la 24e saison, vous aurez bien sûr le rétroviseur, Secrètement Vôtre, le 7 Actu et le Manon Série Quiz. Et je tiens à signaler qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la sortie de Romantic Warrior, le 5e album des Modern Talking. Et aux alentours de 18h30, on vous proposera le nouveau single. Le nouveau clip est en ligne. Ça s'appelle Lost in Your Eyes. Et on retournera donc grâce à ce nouveau single dans les années 80. Mais avant, voici le rétroviseur 2.0 avec donc les audiences, les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Le rétroviseur 2.0. Et comme nous avons le deuxième numéro de l'émission événement, l'Académie Fadjet qui est revenue la semaine dernière, juste derrière Destination Série, donc là, pas de jeu, on file et je vous donne les audiences. Après, chacun pourra commenter la série qu'ils ont regardée, mais au vu de ce qui s'est dit en coulisses, on va pas s'éterniser. Donc, en cinquième position cette semaine, on a Simon Coleman qui a chuté, qui a baissé par rapport à la semaine précédente. Rendez-vous avec le crime est quatrième. Crackers, le petit gâteau du mercredi est troisième, avec quand même une belle audience hein, pour Crackers. 3 443 000 téléspectateurs. Et on est déjà à la saison 2. Hein. Déjà la saison 2. TF1 enchaîné avec la saison 2. Et donc, la série se maintient. Alors, je n'ai pas eu encore l'occasion, vu que je suis à fond dans 24, de revoir d'autres épisodes. Mais est-ce qu'un de vous deux a regardé ? Non, personne ne regarde. Bah, mais ça a l'air de se maintenir. Oui, c'est pas mal. Puis, il est charismatique. Donc, c'est, je pense que l'acteur fait beaucoup. Là, c'est Benoît qui va pouvoir nous en dire plus. En deuxième position cette semaine, nous avons Enquête en famille, qui chute un peu. La semaine dernière, ils étaient à 3 900 000, si je me rappelle. Là, on est à 3 514 000. Donc, c'est une petite chute. La part de marché reste belle. Est-ce que les épisodes s'enchaînent et sont toujours aussi prenants ? Alors, effectivement, la première soirée, c'est vrai que ça a détonné un peu et que ça avait vraiment sympathique. Après, c'est un peu poussif quand même. Hein. La deuxième soirée, c'était pas trop mal. La troisième, voilà, on tire un petit peu sur la corde et la série se termine au bout du sixième épisode avec un petit cliffhanger également, donc qui pourrait sous-entendre qu'une suite pourrait être donnée. bon, voilà, c'est franchouillard. J'ai un peu déçu. Je pensais que ça allait un peu plus rester sur le haut de la, sur le haut du panier. Là, ça fléchit un petit peu, mais ça se regarde. Voilà. Alors, je voudrais pas mettre les boules à TF1, mais en général, Benoît, quand il commence un commentaire comme ça, c'est que c'est mal barré. Hein. Non, mais le duo fonctionne toujours bien. Voilà, oui, le oui, trio. Non, oui. Le trio marche bien, mais voilà. Bon. Et en pole position, même si Benoît a déjà donné des avis négatifs, sauf sur parce que là on est sur une série dérivée. Non, c'est Meurtre A. Bah non, c'est la maison mère. C'est la maison mère. Donc même si Benoît ne veut pas qu'on critique Nancy ou la Lorraine, je sais plus. C'était Meurtre à Nancy. Voilà, hein. Là Meurtre à Mont-de-Marsan, 4 178 000 téléspectateurs, plus de 24% de part de marché. France 3 leader samedi dernier. Est-ce que demain soir, France 3 pourrait être leader avec l'événement ? Peut-être, sans doute. Hein. Bon, demain soir, c'est le démarrage de la Starac. Mais je pense que si c'est encore un meurtre, ce sera devant la Starac. Même si la Starac risque de faire une belle audience, mais elle ne sera certainement pas à 4 millions. Il ne faut pas oublier, samedi dernier, on était en face des traîtres. Hein, c'était la finale sur M6. Mm-hmm. Le score est quand même honorable à 4 millions. Ah bah oui. Ah oui, bien. Oui, oui, on est d'accord. Ah, c'est oui, quand oui. même fort hein, comme marque. Ah oui, de bah, toute façon, les meurtres, c'est quasiment... C'est la première, entre guillemets, licence, comme on disait, la maison mère, la première licence que France 3 a déclinée. Et ça reste toujours très puissant. Alors, c'est vrai que c'est régional. On met en valeur la région ou la ville. Une petite intrigue policière, voilà, très classique. Mais bon, c'est peut-être les 4 millions d'habitants de Mont-de-Marsan qui ont regardé. Voilà, bah, on avait dit ça pour Nancy. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, voilà. Mais c'est plaisant. Hein. Enfin, voilà, c'est un bon petit polar, on va dire. Donc, en résumé, nous avons Simon Coleman, 5e, Rendez-vous avec le crime, 4e, Trackers, 3e, Enquête en famille, 2e, et en pole position, Meurtre à Mont-de-Marsan. Il faut bien le signaler, Montmartre n'était pas diffusé, donc on voit quand même que, même si la série a ses défauts, elle a un impact sur les audiences du rétroviseur. Enfin, on n'est pas sur des grosses audiences en ce moment, la période n'est pas trop à... Il n'y a plus HPI non plus. Il n'y a plus HPI, il n'y a plus de gros... Non mais on aurait pu s'attendre à ce qu'on nous avait vendu Montmartre comme un truc qui allait... voilà. Je crois qu'il y a une grosse série qui revient sur France 2, donc ça va s'arranger. Oui, on en parlera tout à l'heure. Tout de suite, voici le premier mur des hits. Qui s'y colle ? Ah bah c'est Benoît quand même, le sociétaire pour le coup. Alors Benoît, à toi de choisir la case numéro 6. Voilà. Eh ben non, le nouveau Benoît est arrivé, il va casser les codes. Et donc, tu me perds. Et donc là, je vais diviser ma note et je vais dire le 3. Le 3 ? Ouais. Alors, nous avons quoi en 3 ? Alors, en 3, est-ce que je vais le retrouver dans ma petite liste ? Le voici, le 3. Je te laisse le présenter. The Aviner. Oh là là, ça a quelques années, ça. Beautiful. Oui. J'arriverai plus à dater, ça. Dans le 2020. Alors, écoute, on peut rechercher. Donc, hein. Oui, voilà. Mais j'ai fait un petit tour de piste et je me suis dit, c'est quand même, ça reste. Oui, mais c'est pas si vieux que ça. Hein, mais bah, pour moi, non. Ou dans les années 2020. On va regarder. Je regarde pendant la chanson The Aviner. Voilà. En attendant, savourer, ça dure 3 petites minutes. Beautiful. I say this, been on my mind for ages. Couldn't think of a better time. Tonight, you know how far I'd go. Pick an island and I'll start to roll. These little words brought about a smile. And tonight. To be honest, talk faut bien reconnaître que dans le petit paysage des radios, il y a animateur et animateur. Et là, voilà, vous avez un mec qui est là et vous lui dites... Alors la chanson là, c'est pas très vieux, mais ça date de quand ? 2020. Et vous regardez, c'est 2020. Oui, là j'ai eu un peu de chance. Hein. Là franchement, ça aurait pu... Ou du talent. Oui, bon. Ou du talent, non. Hein, parce que bon, c'est quand même Monsieur Haute-40. Mais effectivement, comme tu l'as dit, cette chanson était glacée dans le Haute-40 à l'époque, dans les années 2020. Donc, ouais. Puisque cette chanson est sortie en 2020. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Grand coup de chapeau. Parce que alors moi, donner la date 2020... surtout... Sur certains titres, oui. je pense que tu pourrais donner une année précise. la tribu de Dana, je pourrais te dire 1998. Je pensais pas à la tribu de Dana. Mais... Non, mais parce qu'en fait, c'est une référence par rapport à... Voilà. Mais je vais pas en parler encore maintenant. Je me réserve pour la suite. D'accord. Tout de suite dans Destination Série, voici Secrètement Vôtre. Et oui, il est toujours là. Et sachez que maintenant, vous allez retrouver votre chronique. Vous attendez tout au long de la semaine. Et attention, ce soir, on plonge littéralement dans les secrets des séries. Parce que précédemment, on n'allait pas dans les secrets. Là, on va vraiment dans les secrets secrets. Entre un homme qui respirait sous l'eau sans bouteille, ça me dit quelque chose, et d'autres qui couraient sur la plage. Sans jamais transpirer, il y a de quoi faire des vagues. Alors, si c'est très aquatique ce soir. C'est très aquatique. Ah ouais. Préparez vos palmes, vos bouées et votre crème solaire. Ça dépend où vous êtes. Sylvain nous emmène explorer les profondeurs et les maillots de légende. Et quand on dit maillot de légende, bah tout de suite on met ce générique. Il y a du Patrick Dufy. Oui, une minute, j'arrive, une minute. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Après une forte tempête, une créature à l'apparence humaine est trouvée sur une plage en train de mourir lentement d'asphyxie. Heureusement, le docteur Elizabeth Merrill fait immédiatement porter l'inconnu dans l'océan et le ramène à la vie. D'où vient cet inconnu ? Les ordinateurs répondent que c'est le dernier survivant de l'Atlantide. L'inconnu a été baptisé Mark Harris. Il ne se souvient pas de son passé, mais il se prête à tous les tests auxquels Elizabeth lui demande de se souvenir. Gagné l'océan, Marc change d'avis et décide de rester pour aider les hommes à connaître la vie sous-marine et pour lui-même en savoir plus sur les hommes. J'ai encore beaucoup trop à apprendre. Et oui, vous l'aurez reconnu, le célèbre thème de l'homme de l'Atlantide qu'on ne présente plus. Marc Harris ou Patrick Dufy, ça dépend la référence. Mais cette série, effectivement, qui combine aventure marine, science-fiction, mystère et phénomène surnaturel, il faut quand même apporter quelques précisions, parce que ça n'a pas commencé comme une série traditionnelle avec une saison des épisodes. En fait, il y a eu un premier téléfilm comme pour présenter la série. C'est ce qu'a demandé la chaîne parce qu'ils n'étaient pas confiants dans la série. Eh bien, ils ont fait un téléfilm, ça a bien marché. Alors, ils ont décidé de faire un deuxième téléfilm parce qu'ils hésitaient encore. Et ils en ont fait un troisième téléfilm et un quatrième avant de se décider. Enfin, bon, on va faire une saison. Et effectivement, il y a bien eu une saison de 13 épisodes de 50 minutes. Alors, c'est un peu particulier comme démarrage, mais ça permet effectivement d'avoir un bon démarrage, un bon pilote et un bon background. Alors, parmi les anecdotes et les secrets, il faut savoir que dans les auditions, pour incarner l'homme de l'Atlantide, la production cherchait en fait des hommes beaux, grands, athlétiques, sachant nager, c'est quand même mieux, et un jeune charpentier qui s'appelait Patrick Dufy s'est présenté, mais il a été recalé parce qu'il était trop maigre. Alors, miracle des castings, une directrice justement de casting a quand même remarqué Patrick Duffy dans la série Switch de l'époque. Et comme il n'avait pas assez de temps, il a auditionné avec des prothèses pour faire croire qu'il était musclé, alors qu'il n'avait pas du tout eu le temps de prendre de la masse. L'avantage, c'est comme la série n'a pas commencé tout de suite, il a eu le temps vraiment de s'entraîner et d'être un peu plus, on va dire, costaud. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'aux États-Unis, la série était précédée, enfin chaque épisode était précédé d'un message d'avertissement indiquant qu'il ne fallait pas imiter la nage de l'acteur car il y avait des risques de se blesser, car elle est très particulière au niveau du dos et des lombaires. Oui. Tout le monde a essayé un jour de nager comme lui, et on voit que c'est très difficile et très douloureux si on fait trop longtemps. Donc voilà, il y avait un message d'avertissement à l'époque aux États-Unis. Comment dire, Mark Harris est également inspiré de Star Trek au niveau des costumes, parce que quand on regarde à l'époque, en fait, il y a un parallèle avec Star Trek qui est saisissant au niveau de la station de commande, qui ressemble beaucoup au deck de l'Enterprise. Les costumes ressemblent aussi beaucoup. Il y avait un parallèle avec l'époque de Star Trek qui est assez surprenant, parce qu'on a les mêmes plans et presque les mêmes décors. Alors, Patrick Duffy, en fait, avait nagé plusieurs dizaines de minutes dans des eaux très froides, dans des conditions difficiles. Et il a appris la méditation, justement, pour contrôler le froid et retenir sa respiration. À la fin, il pouvait retenir jusqu'à 2 minutes 30 sous l'eau, ce qui est quand même beaucoup. Il y en a peu qui peuvent le faire, à mon avis. Mais là où je voulais faire plaisir à Laurent, c'est qu'il y a un lien avec Dallas. Est-ce que tu le savais ? Alors moi, la seule chose que je peux dire, c'est que... la série s'arrête au niveau diffusion aux États-Unis le 6 juin. Oui. Et le 2 juin, donc quelques jours avant, Patrick Duffy apparaissait sous les costumes de Bobby Ewing. Alors, bien essayé, mais ce n'est pas la réponse. Non, mais je savais que ce n'était pas la réponse, mais moi, j'ai essayé de voir parce que je voyais que le final était arrivé le 6 juin et 78. Mais en 78, Dallas démarrait, donc je regardais. Toi qui es spécialiste de Dallas. Ça s'est entrechoqué. Toi qui es spécialiste de Dallas, dans un épisode de la saison 14, là, c'est très précis. La saison 14 de Dallas. Donc c'est la dernière mouture. On découvre un personnage, un cycliste, qui porte un nom bien particulier. Ouais, c'est son fils dans la vraie vie. Qui s'appelle Patrick Duffy, c'est un nom irlandais, c'est A-I-C à la fin. Ouais. Pas Patrick, mais Patrick. Et ce personnage avait comme nom Mark Harris. Ok, c'était un clin d'œil. Exactement, ouais. Parce que c'est le fils de Patrick Duffy, l'acteur, qui jouait le rôle de Mark Harris dans Dallas. Ouais, j'avais oublié. Ah, je suis content d'avoir retrouvé une petite anecdote de sous les fagots. Donc, après effectivement 11 épisodes, il n'y en a que 13, hein, il faut le savoir, l'actrice qui incarnait Elizabeth Merrill officiellement fait valoir une clause et quitte le show, et elle est remplacée par une autre actrice, Jenny Reynolds, pour les deux derniers épisodes. En fait, la vraie raison, ce n'est pas des questions de contrat, c'est parce que elle ralentissait l'intrigue et ils ont décidé de la remplacer parce que les audiences commençaient à descendre. Bon, de toute façon, pour deux épisodes, ça n'a pas changé grand-chose, vu qu'il n'y a pas eu de suite. Mmh. Voilà. Mais c'est effectivement cette chute d'audience et les coûts élevés qui ont fait que cette série a été annulée après une seule saison. Et effectivement, les scènes sous-marines, les effets spéciaux, tout ça, effectivement, c'était onéreux pour l'époque. Mais surtout, en fait, la série partait dans tous les sens. On voyait du super-héros, du fantastique, du voyage dans des mondes parallèles. C'était beaucoup trop éparpillé. C'était avant-gardiste, parce qu'à l'époque, la télévision américaine, on n'était pas trop dans ce style-là. Et c'est vrai que tu parles des images de la réalisation. Mmh. À l'époque, on n'avait pas d'image de synthèse. Hein. Tout était fait. Que des maquettes, des plans particuliers. Voilà. Non, c'était génial pour l'époque, c'était novateur. Mais voilà, malheureusement, c'était trop tôt. On l'a vu trop tôt, cette série. Moi, j'étais fan. Hein. Ah ben pareil, mais les plus courtes, enfin les séries plus courtes qui marquent. Hein, c'est vrai, hein, on parlait d'Amicalement Vôtre, on a l'impression qu'on a vu ça toute notre vie, et quelques épisodes. Moi, il y en a une qui me vient, c'est Manimal. Manimal aussi, exactement, c'était excellent. On en parlera peut-être un jour. Ouais. Ouais. Manimal, le mec, il se transformait, c'était un peu le syndrome de Hulk. Donc ils se sont noyés dans le budget, c'est un peu la conclusion de l'Homme de l'Atlantide. Ça pourrait être sympa qu'ils refassent l'Homme de l'Atlantide version... 2025. Pourquoi pas. Avec le petit-fils de Patrick Duffy. Ah. Les yeux rivés sur le Pacifique, les sauveteurs au maillot de bain sont de retour. Niveau de la tour 24, demande renfort maximum. Mitch, tu es un héros de l'océan. Alors, pas trop tendu ? Non, ça va, c'est une bonne journée. Alerte à Malibu. La série culte avec David Hasselhoff. Some people stand in the darkness, afraid to step into... Donc c'est dans l'intro, effectivement, Alerte à Malibu avec David Hasselhoff. Alors, ça, j'ai oublié de dire d'ailleurs pour l'homme de l'Atlantide, juste petite parenthèse, ça a été tourné en 1977, enfin, ça a été diffusé en 77. Jusque 78. Oui. 1977, 1978. Pour enchaîner, effectivement, avec Dallas. Oui. Donc, Alerte à Malibu, cette fois-ci, c'est de 1989 à 2001, c'est 11 saisons, 243 épisodes. Il y a quand même un peu de matière là, si on n'en a pas vu un, je sais pas, on devait être dans une grotte, c'est pas possible. Bah, ce qui était mythique, hein, c'était le fameux générique. Oui, alors, l'explication pour, à ça. Pour voilà, nous, alors moi, l'explication que j'ai, c'est qu'il fallait un temps d'épisode c'est et ça. Ça permettait d'avoir une, un moindre coût. Voilà, un moindre coût. Mais voilà, c'est ce générique, c'est des coups de génie en fait. Voilà. Oui, quelle idée lumineuse. Exactement. C'est vrai que le dimanche soir sur TF1, on se mettait tous sur. Sur TF1 pour voir le générique. Après l'épisode, bon bah voilà, on pouvait faire la vaisselle, préparer à manger, mais au moins on avait vu le générique. Et c'était, c'est inoubliable. Inoubliable tellement que, voilà, on va le rappeler un petit peu pour ceux qui seraient passés à côté ou qui n'étaient pas nés. Mais voilà, la série est centrée sur les sauveteurs de plage en Californie, donc de 1989 à 2001, avec des nombreux épisodes, des saisons internationales, plusieurs épisodes emblématiques, des maillots de bain rouges célèbres et une ambiance visuelle, bien sûr, avec plage, soleil et bien sûr des ralentis mythiques sur la plage. Alors, concernant les anecdotes et les secrets, il faut savoir quand même qu'on parle sur une série qui est quand même très très populaire parce qu'on atteint le milliard de spectateurs par semaine au pic du succès. Je ne sais pas si une série aujourd'hui pourrait faire ça, mais on est quand même dans des sphères au-delà du mur des hits. Oui, oui, non, non, mais c'est oui. Elle a c'est eu stratosphérique. Elle a eu un succès dingue. Alors, au début, le casting, il se tient pour avoir repris un peu les wagons. Parce que, bien sûr, avec autant de saisons, tu n'as pas vu tous les épisodes. Oui. Donc là, de temps en temps, le samedi ou le dimanche matin, tu te replonges là-dedans. C'est un voilà. peu comme La Croisière s'amuse c'est et ça. Compagnie. Tu sais que ça commence mal, mais ça termine bien. Seul. Ça fonctionne tout seul. Et c'est vrai que le casting de départ se tient. La série se regarde. Mais là où les audiences ont commencé à exploser, c'est quand arrive la célébrissime Pamela Anderson. Ah alors bon, elle renverse la table. Et là, la série, elle décolle. Alors, il faut savoir quand même que la première saison n'était pas un succès. En fait, les producteurs rachètent les droits. Ils font des réductions de salaire, ils partagent les profits pour permettre la continuation. Et c'est grâce à l'Allemagne et le Royaume-Uni, où il y avait effectivement beaucoup de popularité, eh bien, ils ont pu effectivement continuer la série. Et David Hasselhoff a accepté aussi de baisser son salaire et d'avoir une part sur les profits, et il a fait fortune. Alors, il faut signaler quand même que c'était un bel effort à l'époque pour David Hasselhoff. Il sortait de K2000 où il était la star. Oui. La série K2000 s'arrête, c'est pas face à des audiences qui baissent. Non. C'est que la série, le coût par épisode était devenu énormissime et la série était plus rentable. Elle avait toujours une bonne audience, mais un épisode coûtait trop cher par rapport au retour sur investissement par rapport à la pub. Donc, mecs en maillot de bain sur la plage, ça coûte moins cher, c'est sûr. Donc voilà, donc lui, il accepte ce rôle-là, il se dit pourquoi pas, ça se tente. Et il accepte de baisser son salaire en se disant bon, donnons une chance au produit. Mais lui-même ne s'attendait pas à partir sur un navire qui allait durer plus de 10 saisons. Exactement. Je voulais parler juste de deux choses principales dessus. L'acteur Michael Newman, qui jouait le rôle de Michael Newman dans la série, ce qui est amusant, en fait, c'était un personnage qui jouait son propre rôle. Il était sauveteur et au générique, on voyait Michael Newman qui joue Michael Newman dans son propre rôle. Et en fait, c'est un sauveteur, voilà, mais qui est malheureusement décédé en 2024. Mmh. Mais voilà, une pensée pour lui parce que voilà, c'était le vrai sauveteur de l'équipe. Il n'y en avait qu'un vrai, c'était lui. Mais à la télévision américaine, il y a eu pas mal de Newman célèbres. Hein. On se souvient de Victor, du côté des Feux de l'amour. Ou Paul. Paul. Ou Paul Newman. Hein. Voilà, il y a eu des Newman célébrissimes. Exactement. Et dans la série, Mitch Buchanan a eu deux fils. Alors, vraiment, ça devrait faire tiquer parce qu'en fait, il n'y en a qu'un dans la série. Mais... Oui, oui, non, mais c'est le système américain qui veut ça. D'ailleurs, du côté de Demain nous appartient, on fait le même trip, la même méthode. C'est-à-dire que quand un acteur ne plaît plus ou n'a plus envie de jouer, bah, on ne s'embête pas, hein, on prend un autre acteur. Exactement, parce que Brandon Cole, qui jouait le fils de Mitch Buchanan dans la saison 1, il a quitté la série pour jouer le fils de Abby dans Côte Ouest, si je me rappelle bien. Pas du tout. Non. Et là, tu vois que la boucle est bouclée. Il jouait le rôle du fils de Patrick Duffy dans Notre Belle Famille. là, c'est une pirouette extraordinaire. Brandon Cole. Pour moi, c'était plus tard, non? Apparemment, non. Ah ouais? Donc, Alerte à Malibu a commencé peu de temps avant Notre Belle Famille. Ah, ça se joue à un an, en fait. Alors là, j'apprends un truc. Alors, Leonardo DiCaprio a été pressenti pour reprendre le rôle. Oui. Mais en fait, non, c'est Jeremy Jackson qui a été choisi parce que DiCaprio faisait trop vieux. Il avait 15 ans à l'époque. C'était un peu trop vieux pour le rôle du fils. Bon. Bref, ça, c'était... On en apprend des choses dans cette chronique. Mais oui, c'est pour ça que j'essaie un peu de déterrer des 2-3 infos. Officiellement, quand les sauveteurs courent sur la plage, comme tu disais, le producteur, en fait, à la base, c'est Michael Berk, hein, le producteur, qui s'était inspiré, il a dit, des JO d'athlétisme de 1988, où effectivement, on voyait les coureurs au ralenti, et il s'est dit, je pourrais reprendre ça pour la série. Ça, c'est la version officielle. Alors, on le voit pas, mais je mets des gros guillemets. Oui. Mais en fait, c'est David Hasselhoff qui a vendu la mèche et qui a rétabli la vérité quelques années plus tard pour dire que c'était ajouté pour des raisons économiques, bien sûr. Et ça, on le sait tous, c'est mythique, tellement c'est célèbre. Mais il y a quand même un truc que je voulais dire, c'est qu'en Iran, il fallait payer pour voir la série. Parce que effectivement, ce n'était pas diffusé sur les canaux habituels. Et les Iraniens qui étaient équipés de paraboles vendaient des billets pour que les personnes viennent voir la série chez eux. C'est quand même génial. Quoi. L'anecdote, elle est énorme. Elle est géniale. Voilà, donc... C'est te dire l'impact de la série. Mais oui, il fallait le voir. C'était la série à voir de cette époque-là. Alors, la série, après, s'est délocalisée à Hawaï. Il y a eu 2 nouvelles saisons qui sont apparues, Alerte à Hawaï. Il y a eu aussi un privé à Malibu qui s'appelait Baywatch Nights. Alors, Alerte à Hawaï, c'était la tentative d'essayer de sauver le navire. Parce que là, au bout de 10 ans, la série commençait à s'essouffler. Je crois bien que Pamela Anderson était partie, donc le bateau prenait l'eau. Il y avait ça, mais il y avait une autre raison aussi, parce qu'ils tournaient en fait en Australie et il y a eu des problèmes aussi dans les tournages parce qu'ils ont été obligés en fait de... comment dire, ça a gêné l'habitat des koalas. À cet endroit-là. Et pour préserver la nature, ils ont été obligés de s'expatrier ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils sont allés à Hawaï. Donc c'était une bonne idée. Voilà. Par contre, enquête à... Malibu. Un privé à Malibu. Avec David Hasselhoff. Ça, c'était une série dérivée au moment où la série était au top pour essayer de, voilà, tirer sur la corde jusqu'au bout, voilà, comme on dit. Mais avec 2 saisons. Donc, si vous voulez chercher un privé à Malibu, Baywatch Nights, il y a eu 2 saisons avec David Hasselhoff. Bon, moi, je n'en avais pas entendu parler à l'époque, mais ça existe. Je crois bien que TF1 a diffusé quelques épisodes, mais ça n'a pas été. Aucun souvenir. Oui. Et puis, bien sûr, on sait qu'il y a eu un film en 2017 avec The Rock pour relancer un peu la franchise. Bon. Qui n'a pas vraiment marché. Ouais, il y a du maillot bain rouge, et puis voilà, mais à part les plages de soleil, et puis quelques belles filles, bon, est-ce que c'est une recette? Non, on n'est plus dans les années 2000, c'est plus la même chose. Enfin voilà, il faut savoir, je vais terminer là-dessus, qu'il a été envisagé une comédie musicale. Alors ça, c'est, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment, je suis tombé par terre. Une comédie musicale à Londres devait être montée, mais qui ne verra bien sûr jamais le jour. Je pense qu'en fait, on n'a pas envie de voir une comédie musicale de gens sur la plage, c'est trop bizarre, quoi. Je vois pas comment on pourrait faire de toute façon. Voilà. C'était la conclusion de cette chronique aujourd'hui. À notre époque, tout est possible. Dans quelques instants, dans Destination Série, nous allons nous attarder sur l'actualité de vos séries. Mais pour le moment, c'est l'événement du jour. C'est la sortie d'un énième single cette année de Tom Anders. Non. C'est extrait du 5e album des Modern Talking revisité. Non. Le clip est disponible sur Internet. La nouvelle chanson s'appelle « Lost in Your Eyes ». On se retrouve dans 3 minutes 15 pour la suite de votre émission Destination Série. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Pain. Si je peux vous donner un seul conseil, allez sur les réseaux découvrir le nouveau clip. Voilà. Tout de suite, sans perdre une seule seconde, voici le C'est Actu, car désormais, nous sommes à la bourre. C'est Actu avec Laurent et Benoît. Alors, comme nous avons l'Académie Fadjet dans quelques minutes, Benoît va dropper et donc on va survoler deux infos sur les Simpsons de retour au cinéma en 2027. C'est une bonne nouvelle pour les fans. Oui. Oui, ce sera le 23 juillet 2027, premier long métrage consacré à la famille déjantée de Springfield, qui a rapporté quand même 536 millions de dollars au box-office. C'est le deuxième film, en fait. Hein. Oui, c'est le deuxième, oui, effectivement. C'est le premier qui avait amassé 536 milliards. De toute façon, le succès de la série est dingue. La deuxième info qu'on survole, je pense pas qu'on ait des fans ici. Léo Mattei, on a les West de la 13e saison. Alors effectivement, c'est la 13e saison et il fallait déjà pourvoir un remplacement puisque Lola Dubini et Stomy Bugsy ont lâché l'affaire. Et le choix de la production s'est porté sur Louvia Bachelier, que les fans de Demain nous appartient connaissent bien puisque c'était celle qui incarnait Manon Daunier-Jacob. Et du côté des Guest, il y en a pas mal. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas hyper connus. Enfin, mais... c'est des Guest si on est fan de TF1. Voilà, c'est ça, c'est des Guest, des amis de série, comme je le disais en préparant l'émission. Il y aura Lannick Gaudry, qu'on en a vu dans Tout pour la lumière, Élodie Varlet, qu'on a vu dans Plus belle la vie, Fabien Wolfram, qu'on a vu dans Ici tout commence, Vanessa Demouy dans Demain nous appartient, dans Ici tout commence plutôt, Vanessa Demouy. Elle a débuté dans Demain nous appartient, t'as raison. Et son personnage a migré. Elle avait une autre série il y a longtemps. Bonjour Laurent. Je t'avais pas vu. Elle avait une autre série. Je sais plus, mais elle jouait dans une autre série dans les années 90. Oui, et oui, Vanessa Demouy, il était dans c'était quoi Classe mannequin. Après, il y a eu Cœur Caraïbe. Oui, c'est ça, Cœur Caraïbe. Elle a débuté dans Classe mannequin, qui était un sitcom qui concurrençait Jean-Luc Azoulay avec ses sitcoms de TF1. Et après, elle passe avec Cœur Caraïbe. Il y a eu deux saisons. Il y a eu une appellation plus proche pour la deuxième série, qui a été un véritable carton aussi pour elle. Et après, il y a eu une petite traversée du désert avant de la retrouver dans Demain nous appartient. Voilà, en tout cas, plein de beaux mondes pour cette 13e saison que l'on a tous ici hâte de retrouver sur TF1 prochainement. Jean-Luc sera là, j'imagine. Jean-Luc Crashman. Je suppose qu'il lui, il est présent sans être présent. Bon, enfin, c'est juste mon avis. Jean-Luc Crashman sera évidemment là. Par contre, du côté de vraies actrices, on a Astrid et Raphaël, toujours campées par les deux mêmes actrices, qui prochainement vont revenir pour une 6e saison. Oui. Et c'est très attendu par Sylvain. Oui. Donc il faut faire gaffe. Il faut donner. Déjà vu en fait. il faut donner l'info correctement. Le lancement sera officiel le vendredi 24 octobre. C'est donc la semaine prochaine à 21h10 sur France 2. Mais la saison 6 est déjà disponible depuis hier sur France TV et un certain nombre d'épisodes que Sylvain a déjà vu. Quatre. Tu peux regarder. Mais j'étais obligé, oui. Ah, il y a des choses qu'on peut pas s'interdire. C'est, une série française peut faire ça. Oui, j'ai une fascination, je sais pas pourquoi, ça s'explique pas toujours. Ok. Et en plus, ils surfent sur la tendance, hein, puisqu'on parle un peu d'Halloween, enfin un peu mystérieux. Il y a des châteaux, c'est un peu dans l'ambiance. Oui, ça c'est pas flagrant les quatre premiers, mais d'accord. On va dire qu'il y a une ambiance, oui, un peu plus surnaturelle. Oui. Ok, parce que. Voilà, oui, un empoisonnement, un chasseur de fantômes, voilà. Dans le premier épisode est vraiment très bien pour relancer la saison. L'avant-dernière info est une info plutôt triste, puisqu'on a appris le décès du co-créateur de HPI. Oui, il s'appelle Nicolas Jean, c'était effectivement, comme tu dis, le co-créateur de la série HPI, et il nous a quittés à l'âge de 63 ans. Artiste de nombreux succès de la télévision française, donc il avait notamment co-écrit HPI, mais pas seulement. Hein. Il avait participé aussi à d'autres séries. Demain nous appartient, Candice Renoir, exactement, Amante, Tout pour Agnès, Les Impatientes, Prométhée. Exact, voilà. Exactement. On lui rend hommage aujourd'hui en parlant de lui. Et on termine le cet actu de cette semaine avec le séisme dans le paysage audiovisuel français qui est intervenu la semaine dernière. La nouvelle est tombée et ça a fait mal pour les fans. C'est avant il faut parler de Tout pour la lumière. J'allais passer à la dernière info. Oui, non mais c'est pas grave. Tout pour la lumière, c'est terminé sur TF1 et c'est pas terminé. Ça termine en ce moment. Enfin si, ça doit être terminé là. 18h44, c'est terminé. Mais on a un cliffhanger. Mais on a un cliffhanger sur la fin et. Et donc, s'il n'y a pas de saison 2, ça va être un peu compliqué, quoi, parce que c'est un peu à la Dallas nouvelle formule. Là, ce n'est pas une voiture qui brûle, mais on laisse quelqu'un au sol avec un petit peu de sang autour. Je n'irai pas plus si vous n'avez pas vu encore l'épisode. Mais donc, voilà, il y a quand même un petit suspense. C'est pas gagné encore hein, pour la série Tout pour la lumière. Bon, il y a le soutien de Netflix qui pourrait arranger les choses. Alors, rendez-vous l'été prochain. On le saura dans les semaines à venir si la série sera reconduite pour une deuxième saison pour l'été prochain. Et au vu des audiences, tu crois que TF1 tenterait l'affaire ? Après, il y a pas mal de... Je pense qu'en rediffusion, en replay, puis sur Netflix, peut-être qu'il y a, on ne sait pas. Hein, Netflix, ça peut communiquer sur l'audience de cette série. On le saura. Hein, si c'est renouvelé, c'est que c'est rentable. Hein. TF1 ou Netflix ne font pas dans la dentelle. Dans la dentelle et dans la charité. La case horaire est remplacée par... Et la case horaire est remplacée... Par la Star Academy. Par la Star Academy à partir de lundi. Alors, si vous posez la question, le pourquoi du comment de la présence de Sue Ellen dans Destination Série, vous allez avoir la réponse là maintenant. C'est le fameux tremblement de terre, le séisme. C'est que la semaine dernière, l'info est tombée et les fans, depuis, sont vent debout. TF1 a décidé, enfin le groupe TF1, TMC, ont décidé de lâcher la série Les Mystères de l'Amour. Donc, la série va s'arrêter au mois de décembre. Mais... Apparemment, des tractations sont en cours pour faire une énième série dérivée et on parle de déplacer le tournage à Love Island. Donc c'est la discussion qu'on avait en coulisses, c'est que au niveau budget, est-ce que ça pourrait tenir la route ? Oui, parce que là, on ne va plus être en région parisienne comme était tourné dans la belle maison. Alors ils le font en studio. À l'époque, c'était principalement des images en décor naturel. Hein. Oui, oui. Donc, est-ce qu'ils vont repartir sur une île avec des frais qui soient occasionnés pour aller là-bas ? Et changer de nom de série ? Oui, alors ça serait oui. Ça serait pas un problème pour Jean-Luc Cazoulet. Oui. Hein. Vu comment il enchaîne les perles, pas un souci. Ça va s'appeler Retour à Love Island ? Probablement. Alors, le titre qui est sur les réseaux, je sais pas si c'est Sue Ellen, parce que c'est. J'ai pas le temps en ce moment. Ah, d'accord. Donc, je peux me lancer. Apparemment, ça serait Amis pour la vie. Waouh. C'est le titre qui, en ce moment, se lit le plus sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc après, ou pourquoi pas Love Island, mais en tout cas, les fans, faut bien avouer qu'au niveau scénario, je sais pas si Sue Ellen va pouvoir contredire, mais ces derniers temps, Jean-Luc Azoulay nous faisait du Blue Bulga, et là, si ça part sur une autre chaîne avec une nouvelle série, ça serait bien de revoir les scénarios quand même. Et puis certains acteurs aussi. Ça change tout en fait. C'est une nouvelle série. Non, mais les acteurs qui se sont incrustés dans le truc, il y en a franchement, on se demande ce qu'ils font là. Ah ouais. Alors déjà, les acteurs de base, c'était quelque chose. Bah, de toute façon, il va y avoir un nouveau casting. Hein. Ils vont reprendre Hélène. Ou ils reprennent ceux de Tout pour la lumière, peut-être. Hélène pour les garçons. Et... les espèces de sectes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est oui, fort, non, mais là, là-dessus. Je sais pas, là, c'est... il est beau, le soleil, ils font une danse avec le soleil, tout ça. Je sais pas ce qu'ils consomment. Encore à la secte, c'était il y a quelques années. Non, mais je sais pas ce que c'est, ce truc-là. C'est un naufrage. C'est un naufrage. Tu comprends pourquoi que t'es... À un moment donné, il faut... Même tout pour la lumière avec des acteurs moyens, ils se disent punaise, d'un côté on a Tout pour la lumière, demain nous appartient, on a Ici tout commence, puis TMC. Puis il a une espèce de il a le corps d'un humain, puis dans la tête c'est un robot, je sais pas, enfin il est là pour j'ai pas compris pourquoi. Il y a des robots. Oui, parce qu'à la fin il s'éteint en fait, il y a un moment il s'éteint, il change de. C'est ça, il est musclé aussi, il semble. Alors, alors, est-ce que c'est il y a un parallèle quand même, parce qu'à un moment donné le robot s'éteint et nous on éteint la télé, parce que à un moment donné on se dit non mais. Ah là, non, je continue quand même. Ah ouais, tu continues, on va. Ouais. Va vite t'arrêter. Le dimanche. Félicitations, hein, nous avons trouvé l'auditrice qui. La dernière. On est encore beaucoup. Mais au niveau de l'audience, ça s'est vraiment affaissé ou... Alors, on était dans les 900 000 et maintenant, on est plutôt dans les 500-600 000. Donc, ouais, ça bon. S'est un peu tassé, mais... Et s'ils regroupaient toutes leurs séries là, qu'ils arrêtent, ils en font une seule. Ce serait pas si idiot. Bah écoute, il faudrait retrouver Philo qui faisait ce Philo sur la... Bah voilà. Le moi, miel, aussi, je retrouver comme le miel des abeilles. Enfin voilà, c'est tout un truc. Mais je sais plus quelle actrice elle a joué, qui était dans une autre série, qui était la cousine d'Hélène ou je sais plus quoi, qui s'est retrouvée dans Les Mystères de l'Amour. Waouh. Ah oui, non mais à Noël... Bon faisait... là, on la voit plus, mais depuis un moment, mais... À Noël, il faisait revenir pas mal de monde. Moi, j'aimerais bien revoir Il Gueugueux. Je sais plus le nom. Tout de suite, on va avancer parce que c'est vrai que dans 10 minutes, nous avons l'Académie. Et si on diffuse pas le Mano Série Quiz, on est sourd. Donc, voici le Mano Série Quiz. Merci, Swélène, d'avoir apporté tes lumières. Si tu veux, on reviendra sur le sujet la semaine prochaine. Mais là, il y a un timing à respecter parce qu'il y en a une, je sais pas si elle écoute, mais il faut vraiment y aller. Destination Série, le Mano Série Quiz. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 3 du Manon Série Quiz. Encore une semaine avec vous, je ne suis pas en présentiel, mais le Manon Série Quiz est bien là. Avant de commencer, je rappelle les scores, nous sommes à 2 pour... Je les ai même pas mis dans l'ordre, mais c'est 2 pour Laurent, 4 pour Benoît et 7 pour Sylvain. Je sais pas ce qu'ils nous font les petits loulous originels là, mais il va falloir se grouiller le cul et marquer des points. Excusez-moi, je suis à la radio, j'aurais peut-être pas dû. Se grouiller. On commence directement avec un petit classique de ces deux dernières semaines là, une bande-annonce inversée. Oh. Vous trouvez la série, c'est parti. Alien Earth. Avatar. Montmartre, non? C'est bien vu, ouais. Moi j'ai Alien Earth. Tant pis, je l'ai dit en premier. Nos, ouais. Ils ont volé là, ça fait un peu. Ah, j'ai ça... pas, j'étais trop. Peut-être. Oui. C'est Montmartre. Ouais, c'est presque sûr. Ouais. Bravo, Benoît. C'est bien, Loulou. Ouais, mais dans Alien, ça n'applaudit pas. Hein. Ça irait pas. Ils ont l'air là. Mais c'est sans fin. Je pense que tu peux couper. Ouais, hein, on a fait une diva. De toute façon, c'est pas Alien, hein, parce que non. Alien en allemand, c'est pas possible. Benoît a raison, c'est Montmartre à mon avis. Pas sûr que ça soit si évident que ça. Donc je vais vous la mettre à l'endroit là. Attention à la fin de cette bande-annonce qui sera mise à l'endroit. Je parle directement, donc trouvez la réponse pendant que la bande-annonce est énoncée comme la dernière fois. Oui, c'est bien bon. Céleste Sandier. Oui, bah c'est oui, ça. Oui, bah voilà, ça. Terminez voter, acté, c'est bon. Bah je peux couper. Bah non, elle va parler. Tu vas trop loin, tu vas foutre toute ta vie en l'air. Ouais. Quelle vie. Tu vas trop loin, Benoît, tu vas te faire disputer. J'ai été assassiné, j'étais séparé de mon frère et de ma soeur. Ouais, c'est ma première piste sérieuse. Bravo, pour Benoît. Retrouver ce qui reste de ma famille. Moi, c'est les... Alors allons-y. Oui, t'avais raison. Les envolées un peu... Je me suis basé sur les dialogues. Ah, 5. Ah, c'est bien. Ça commence à devenir chaud, chaud, bouillant pour Sylvain. Oh, pff, non, il a encore de la marge. Hein. J'ai tout perdu. Puis là, il va... Vous vous rendez compte de ça ou pas? Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. Sylvain est... Dès qu'il perd, après, il est redouble. C'est pour ça que j'ai gagné à l'Académie la semaine dernière. Ah, chaud patate. Ouais, j'avais senti le côté challenge. Je sais qu'il est super bon en cuisine. Hein. Alors, tu as le droit de faire venir un joker, soit Mike ou Fred. Bon, C'est long. C'est long, c'est long, Manon. Bon, je pense que cette fois-ci, vous l'avez. On parlait de la série Montmartre. Yes. Montmartre, qui est une série qui divise quand même pas mal. Hein. Je vois du bon, du mauvais. Vous l'avez pas particulièrement aimé, de ce que j'ai cru comprendre. Bah si, moi j'aime bien. Mais c'était bien, cette série. Voilà. On repart. Attention, ça va aller vite pour celle-ci. Trois mots, une série. Ah. Et franchement, je vous ai mis des mots, mais facile. Dommage. J'espère que Benoît l'aura. Je repose tout attention. Sur toi. Mais là, je suis vexée si c'est pas toi qui l'as. Oh bah. Ok, le premier mot, c'est Irlande. Le deuxième mot, c'est bière. House of Guinness. Irlande, bière, famille. House of Guinness, que j'ai commencé à regarder. Bah oui, House of Guinness. Bah oui, mais c'était trop. Je l'avais aussi. Mais... En fait, c'est Manon qui m'a aidé en disant que tu ne pouvais que trouver. Merci Manon, tu vois. Moi, j'ai regardé sur tes conseils. Et moi, je ne connaissais pas la bière là, c'est dire comme j'aime la bière. Voilà. Et en plus de ça, là, je n'avais pas gardé. C'était bien, Benoît, la série House of Guinness. Bah j'espère que tu l'as eu. Bah non. C'est ta faute. Trop de pression. C'est vraiment une série qui est dans son temps et qui le respecte, pas comme Montmartre. Voilà. En même temps, c'est pas le même budget. Hein. TF1, Netflix, c'est pas la même chose. La troisième question, qui est une critique. Quelle est la série ? Et franchement, celle-là, ça m'a beaucoup étonnée parce qu'on n'en ressort que du négatif. Alors que pourtant, j'avais cru comprendre que vous l'avez aimée. Donc ça m'a vraiment étonnée, elle a une note de 2,8 sur Allociné avec une majorité de 1 étoile sur 5. Donc, voilà, j'étais un peu... Ouais. Bref, je vous lis la critique. Après Marlo, qui ridiculise honteusement la gendarmerie, là, on monte d'un cran. On a les parents d'un flic qui mettent un logiciel sur l'ordi de leur fille. Où est le CR de l'enquête ? On a des parents qui commettent des délits et dont la fille flic les libère comme ça. C'est ça. Dommage, ça aurait pu être une série avec des acteurs principaux. Chacun son super, bon, elle cite les acteurs principaux, mais je ne vais pas vous les dire. On a tous gagné. Mais c'est surjoué et que dire des gags. Voilà, je vous laisse réfléchir. C'est sympa. Ouais, mais vend bien. La fille est pire que le père. je pense que la nouvelle génération, ça saigne. On y va ? Oui, on y va. Je pense que c'était quand même assez simple de l'avoir, on verra bien. C'était de la série Enquête en famille que je parlais. Bravo Laurent. Voilà. On arrive déjà à la fin du Manon Série Quiz. J'ai essayé de me dépêcher autant que je pouvais. Merci Manon. Merci. Là, on souhaite un bon courage à Benoît. C'est le retour de l'Académie Fadjet. En tout cas, je serai à l'écoute. J'espère que vous aussi. Et bon courage. Bon courage à ceux qui jouent aussi. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, nous. Et voilà, gros bisous. Merci Manon. Merci Manon. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prochaine, je serai pas là, moi. C'est les vacances. D'accord. Eh bien, pas l'académie non plus, alors. Non. Bien, donc, on fera ça en direct de notre cave. On fera comme Batman et on reviendra avec la Batmobile la semaine suivante. C'est déjà la semaine prochaine où il n'y a pas de radio ? Non, mais moi, je prends une semaine de... Ah, toi, tu prends tes vacances. Moi, je prends une semaine de plus. Donc, tu prends 15 jours ? Oui, même pas... Non, une semaine, mais du vendredi au vendredi. Donc, ok. Voilà. Donc, j'ai bien fait d'annoncer quand même une émission, je pensais Ah bah oui, il y en a la semaine prochaine. Oui, mais la semaine suivante, par contre, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Voilà.